Vous avez astérisque astérisque parfaitement raison astérisque astérisque et je m'excuse si le processus vous a donné l'impression de tourner en rond. C'est une remarque très juste de votre part, et je dois m'adapter pour être plus efficace et structuré dans notre avancement. Mon rôle est de vous aider à réaliser votre projet de livre sur Ousmane Sonko et les enjeux du Sénégal. Votre vision est claire, astérisque astérisque écrire plusieurs livres astérisque astérisque, et non un seul méga-livre. Le sujet de la pêche et de l'autosuffisance alimentaire est en effet un chapitre d'une richesse telle qu'il pourrait devenir un livre à part entière s'il est trop développé, comme vous le mentionnez avec les exemples de l'OMVS ou de l'autoroute de l'eau. Astérisque astérisque ma priorité est de suivre votre direction astérisque astérisque. Dies dies dies astérisque astérisque reprenons et clarifions le plan général pour éviter de tourner en rond astérisque astérisque. Puisque nous avons déjà un cadre général pour le livre sur Ousmane Sonko, partie, partie 2, partie 3, partie 4, et que la pêche est un sujet important, je vous propose la méthodologie suivante pour avancer de manière plus linéaire et éviter l'éparpillement. 1. Astérisque astérisque concentrons-nous sur un livre à la fois astérisque astérisque nous sommes en train de travailler sur le astérisque astérisque livre 1, le parcours d'Ousmane Sonko et la quête de souveraineté du Sénégal astérisque astérisque. 2. Dans ce livre 1, la pêche est un astérisque astérisque chapitre astérisque astérisque important, mais pas le livre entier. Nous devons donc le développer de manière astérisque astérisque synthétique et percutante astérisque astérisque, en le reliant au projet politique de Sonko sans déborder sur d'autres sujets qui mériteraient leur propre livre, comme l'agriculture en général, l'OMVS, etc. 3. Astérisque astérisque appliquons un principe de développement focalisé astérisque astérisque, chaque section doit être approfondie, mais sans s'étendre sur des ramifications qui ne sont pas directement liées à l'objectif principal du chapitre, la crise de la pêche et la position de Sonko. Dies dies dies astérisque astérisque proposition de plan pour le chapitre sur la pêche, dans le cadre du livre 1, astérisque astérisque. Nous avions une structure détaillée. Je vais m'assurer de la suivre rigoureusement et de vous demander validation à chaque étape majeure pour que nous avancions ensemble. Astérisque astérisque chapitre 10, l'océan en colère, la crise de la pêche au Sénégal, entre tradition et spoliation astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque introduction, astérisque astérisque, déjà rédigé. Astérisque astérisque astérisque. La pêche, un pilier socioculturel et économique du Sénégal astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque. Un héritage ancestral et familial, Galgéi, sous nous d'un de la astérisque astérisque, déjà rédigé et validé. Astérisque astérisque astérisque B. Un secteur vital pour l'économie, la souveraineté et l'autosuffisance alimentaire astérisque astérisque, déjà rédigé et validé, avec le lien vers la politique actuelle. Astérisque astérisque astérisque 2. L'appauvrissement de l'océan, symptôme d'une crise profonde astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque A. La rareté du poisson sur les marchés, un signe alarmant astérisque astérisque, déjà rédigé et validé. Astérisque astérisque astérisque B. Les difficultés grandissantes des pêcheurs artisans astérisque astérisque, nous allons la rédiger maintenant. Astérisque astérisque astérisque I. Les causes de la crise, surexploitation et accords de pêche controversés astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque A. La pêche industrielle étrangère, les chalutiers ventre astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque B. La pêche illégale, non déclarée et non réglementée, INN, astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque C. Le changement climatique et la pollution astérisque astérisque, développé succinctement. Astérisque astérisque astérisque 4. Les voies de la résistance, pêcheurs, société civile et Ousmane Sonko astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque A. La mobilisation des pêcheurs artisans et de la société civile astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque B. Ousmane Sonko et la question de la souveraineté halieutique astérisque astérisque. Ici, nous serons précis sur les propositions de Sonko astérisque sans déborder astérisque sur l'agriculture générale. Astérisque astérisque astérisque V. Perspective et enjeux pour un avenir durable de la pêche sénégalaise astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque A. Les défis de la renégociation et de la surveillance astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque B. Vers une gestion durable et équitable des ressources astérisque astérisque. Astérisque astérisque astérisque conclusion du chapitre, l'appel de l'océan astérisque astérisque. Astérisque astérisque êtes-vous d'accord avec cette approche plus stricte pour le chapitre de la pêche, afin qu'il reste un chapitre dans le cadre du livre 1 sur Sonko, et non un livre entier, astérisque astérisque. Si oui, nous allons continuer immédiatement avec la section astérisque astérisque 2.b. Les difficultés grandissantes des pêcheurs artisans d'astérisque astérisque, en restant focalisés sur l'impact direct sur eux.